pom pom pom. Si ton copain te fait trop chier, c'est pas la queue, c'est pas la queuette. Si ton copain te fait trop chier, c'est pas la queuette qu'il faut l'attraper. Si ta copine te fait trop chier, c'est par la foufou ou par la foufounette. Si ta copine te fait trop chier, c'est par la foufounette, il faut l'attraper. Si ton copain te fait trop chier, c'est par les coucous ou par les coucougnettes. Si ton copain te fait trop chier, prends-le par les couilles pour lui signaler. Si ta copine te fait trop chier, c'est par la foufou, c'est par la fenêtre. Si ta copine te fait trop chier, c'est par la fenêtre qu'il faut la jeter. Si tes copains te font tous chier, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Si tes copains te font tous chier, c'est pas trop la peine d'être rancunier.